Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons faire une troisième vidéo sur le sujet de la repentance. Et ça va être le dernier. Je crois pas qu'on doit aller plus loin que cela pour le moment. Donc, on va résumer un petit peu, puis on va terminer en regardant les fruits dignes de la repentance. Une expression que Jean-Baptiste a utilisée, puis une expression que Jésus a utilisée. Quels sont donc les fruits de la repentance? Comment je peux savoir si je me suis vraiment repenti? Notre Père du ciel, j'aimerais que tu puisses nous aider à conclure cette série sur la repentance. J'aimerais qu'au Seigneur, on puisse bien résumer, bien illustrer ce que tu as dit et qu'on comprenne. Et peut-être qu'on avoue qu'on ne s'est jamais repenti et qu'on peut le faire. Seigneur, conduis-nous, que par ton esprit tu puisses illuminer les cœurs, que par ton esprit tu puisses convaincre les cœurs, afin que tu sois glorifié. Parce que seulement ceux qui se sont repentis peuvent se glorifier, peuvent te glorifier, excusez. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous avons vu la première vidéo, c'était quoi le péché. Il faut comprendre c'est quoi qui a rendu l'homme pécheur avant d'examiner les péchés que cet homme-là fait. Et on est appelé non pas à se repentir des péchés qu'on fait, mais on doit se repentir premièrement du fait qu'on a décidé de devenir des pécheurs. Et quand on va décider, qu'on va avoir reconnu cela, qu'on va avoir avoué qu'on est devenu pécheur par notre faute en Adam, nous allons reconnaître aussi que nous faisons des péchés. Et notre l'attitude qu'on a envers nos péchés va changer. OK? Ensuite, on a vu l'universalité du besoin de se repentir. Paul a dit, en tout temps, en tout lieu, en tout homme doit se repentir parce qu'il y a un jour de jugement qui s'en vient. Tout homme doit se repentir parce que Dieu veut régner sur les hommes. Son royaume est venu dans la personne de Jésus-Christ sur la terre et les hommes sont appelés à se soumettre à ce royaume-là, à se soumettre à ce roi-là, à se soumettre à ce seigneur-là. On a vu ça ensemble. Et nous, on appelle les gens à se repentir pour cela. Non pas seulement à reconnaître qu'ils font des péchés, mais à reconnaître que dans leur cœur, dans leur pensée, ils sont rebelles envers Dieu. Maintenant, nous allons voir ou regarder quelques versets qui nous parlent de cette expression-là. Produire des fruits dignes de repentance. Laissez-moi vous lire deux versets. Matthieu, chapitre 3, verset 8, et Luc, chapitre 3, verset 8 et 9. Matthieu 3, verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Luc 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare, que de ses pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Donc, dans ces deux versets, on a l'expression « produisez donc des fruits dignes de la repentance ». Comment est-ce que je peux savoir que je me suis repenti? Nous allons voir quatre choses ou cinq choses. Cinq choses, comme de quoi que je peux voir si je me suis vraiment repenti. Si je reconnais que je suis un pécheur et que je fais des péchés, si c'est seulement ça, la repentance que tu penses, ce n'est pas ça. Oui, ça va faire partie de cela, on va le voir plus tard, mais ce n'est pas seulement que ça, la repentance. Premièrement, on doit reconnaître que Dieu existe, que Dieu est le créateur du monde, qu'on vient de Dieu. J'ai pas besoin de me repentir si je ne crois pas à l'existence de Dieu. C'est ce que l'apôtre, pas l'apôtre, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. Si je veux être agréable à Dieu, je dois d'abord croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Donc, si je ne reconnais pas que Dieu existe, j'ai pas besoin de me repentir. Et je me suis jamais repenti. Parce que la repentance est envers Dieu. Donc, si Dieu n'existe pas, ça n'a pas besoin d'exister la repentance. Donc, on doit amener à reconnaître les gens que Dieu est le créateur de ce monde et qui a créé les hommes et les femmes. Et c'est lui qui est l'auteur de notre naissance, si je peux dire ainsi. C'est lui qui est l'auteur de notre monde dans lequel nous vivons. Si les gens n'admettent pas ça, si les gens sont évolutionnistes, on descend des singes, on vient de la planète Mars, appelez-la pas à la repentance, ils n'ont pas besoin. Avant d'appeler les gens à la repentance, on doit les amener à reconnaître qu'ils ont été créés par Dieu. Première chose. Deuxième chose. Reconnaître que par leur naissance, du fait qu'ils sont en Adam et Ève, du fait qu'on descend d'Adam et Ève, nous sommes des pécheurs de naissance. Et du fait que nous sommes des pécheurs de naissance, nous sommes séparés de Dieu. Nous sommes rebelles à Dieu. La nature que j'ai en venant au monde est une nature rebelle envers Dieu. Une nature qui a peur de Dieu. Une nature qui se cache de Dieu. Une nature qui s'éloigne de Dieu. Une nature qui ne veut pas de Dieu se soumettre à Dieu. Je dois admettre ce que tu sois conscient ou pas, tu dois, par les Bibles, par les versets de la Bible, par les vérités que la Bible enseigne, tu dois admettre, oui, je suis rebelle à Dieu. Oui, je suis mort dans mes péchés. Oui, je suis mort avec Adam, parce que Adam a mangé de l'arbre. Oui, je suis mort, parce que Dieu avait dit, si tu manges de l'arbre, tu mourras. Tu dois accepter le fait que même si c'est pas toi qui as mangé de l'arbre, cette nature pécheresse t'a été transmise. Et par de ce fait-là, tu es rebelle envers Dieu, tu t'es éloigné de Dieu, tu te caches de Dieu, tu ne veux pas servir Dieu. Tu dois admettre ça. Peut-être que tu es conscient, mais tu dois l'admettre et dire, oui, je suis conscient, oui, je sais que je suis rebelle envers Dieu et que je veux pas être soumis à Dieu. On doit amener les gens à reconnaître ça, bien avant de leur parler de Jésus. Si on peut de misère à reconnaître cela, on peut leur parler, on peut voir que je vais le constater, même si je l'ai jamais dit que j'étais rebelle, même si j'ai toujours dit que j'aimais Dieu, entre guillemets, ma façon de parler, ma façon d'agir va démontrer que je suis rebelle. Même si je l'ai pas dit avec mes mots, mes paroles, je vais le voir. Parce que si je lis les Écritures et que je regarde ce que Dieu dit, et que je compare ça avec ce que moi je dis, je vais voir que oui, j'ai la nature pécheresse. Oui, je suis un pécheur rebelle à Dieu. Oui, je ne veux pas me soumettre à Dieu. Exemple, si Dieu dit que j'ai créé le monde, puis moi je dis que Dieu n'a pas créé le monde, qu'on vient des singes, même si je dis que Dieu existe, ben je suis rebelle à ce Dieu-là qui existe parce que je dis le contraire de ce que lui dit. Si Dieu dit qu'il y a un enfer, et moi je dis oui, je crois en Dieu, et je crois que Dieu m'a créé, mais moi je dis que Dieu, il n'y en a pas d'enfer. Ben, je suis rebelle à ce Dieu-là qui m'a créé. Je veux pas suivre ce Dieu-là. Je veux pas croire en ce qu'il dit. Je le déclare menteur, moi, ce Dieu-là. Ou, par la moralité que nous avons. Si Dieu dit ça, c'est mal, et toi que tu dis que c'est bien, mais t'es comme Adam et Ève. Tu démontres que tu es comme Adam et Ève. Dieu avait dit, ne mange pas de l'arbre, car tu vas mourir. Comme Dieu dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et toi, tu commets adultère. Tu dis, c'est pas mal de commettre adultère. Mais Dieu, il dit que c'est mal de commettre adultère. Toi, tu dis, mais compter des menteries, c'est pas mal. Dieu, il dit que c'est mal de compter des menteries. Mais toi, tu dis non. Toi, tu parlais en mal de ton prochain, parlais en mal du gouvernement, c'est pas mal. Mais Dieu, il dit, oui, c'est mal de parler en mal des autres. Donc, si tu dis que c'est pas mal, mais tu es comme Adam et Ève, qui a fini par croire le diable, qui disait que c'était pas mal de manger de l'arbre, et qu'il deviendrait comme Dieu, et qu'il ne mourrait pas. Donc, si tu compares ta moralité ou tes croyances, tu vas voir si vraiment tu t'es soumis à ce Dieu-là, que tu n'es pas rebelle à ce Dieu-là. Si Dieu dit, ben, tu ne peux pas avoir d'autre Dieu que moi, tu peux pas passer par d'autres dieux que moi, mais toi, tu dis, ben non, tous les dieux sont bons, moi, je vais prier Bouddha, ça va être correct, moi, je vais prier Krishna, ça va être correct, moi, je vais prier Mahomet, ça va être correct, moi, je vais prier ma mère, ça va être correct, moi, je vais prier la Sainte Vierge, ça va être correct. Dieu dit non. Quand tu pries, tu dois juste prier ton Père qui est dans le ciel. Tu ne peux pas prier autre que Dieu. Mais si toi, tu pries, peu importe qui tu pries, si tu pries pas juste Dieu, le Père, tu es en rébellion contre ce Dieu. Ceci manifeste, ceci montre que tu es un enfant d'Adam et de Ève. Comme l'apôtre Paul dit dans Romains 5, la mort est entrée dans le monde par un seul homme. Ça veut dire un seul homme, Adam et Ève, par une seule personne, par le péché en Adam et Ève, la mort est entrée, la rébellion est entrée contre Dieu. Et notre vie, nos croyances face au monde, face à l'avenir, face à l'éternité, notre moralité démontre que nous sommes rebelles envers ce Dieu-là. Que nous sommes comme Adam et Ève, qui ont été rebelles, qui ont mangé de l'arbre que Dieu avait dit de ne pas manger. Une troisième façon de voir, c'est si je me suis repenti envers Dieu, je vais être quelqu'un qui sert Dieu. L'apôtre Paul a dit dans Thessaloniciens, nous avons vu hier, vous vous êtes détourné de vos idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Pas pour vous servir du Dieu vivant et vrai, mais pour servir le Dieu vivant et vrai. Est-ce que tu t'es repenti et tu t'es converti pour servir Dieu? Beaucoup de gens se tournent vers Dieu, disent qu'ils se sont repentis pour, non pas pour servir Dieu, mais pour que Dieu les sauve, eux, et qu'ils puissent aller au ciel quand ils vont mourir. Ils veulent se servir de Dieu comme sauveur pour pouvoir aller au ciel quand ils vont mourir. Ils ne se convertissent pas pour servir Dieu maintenant et quand ils vont mourir dans le ciel. Si tu n'étais pas converti pour servir Dieu, tu t'es pas repenti. Tu t'es pas repenti. On doit se convertir, on doit se repentir pour servir le Dieu vivant et vrai. Servir Dieu. Servir celui qui nous a créés. Nous sommes les créatures et non pas le créateur. Nous sommes les serviteurs et non pas le maître. Nous sommes les sujets du roi et non pas le roi. Ce n'est pas, Dieu n'est pas là pour nous aider, nous, dans notre vie, pour que la vie soit moins pénible, mais Dieu nous a créés pour que nous, on puisse le servir, l'adorer, le louer, ici et pour l'éternité. C'est important, ce petit bout-là. C'est important. J'ai fait ces choix-là. J'ai enseigné ces choses-là. Même j'ai prêché ces choses-là. Si j'aimerais bien pouvoir tourner en arrière, mais je peux pas tourner en arrière. Mais au moins, je peux vous le dire aujourd'hui. Appelons les gens à servir Dieu. Appelons les gens à devenir des serviteurs et des servantes de Dieu. Appelons les gens à devenir des esclaves de Dieu. C'est bien différent du Dieu que j'entends aujourd'hui dans les églises. Viens au Seigneur Jésus, il va te sauver, il va te protéger, il va être un refuge pour toi, il va te faire du bien, il va te sauver, il va te pardonner, il va te laver, tu vas aller au ciel, quand tu vas mourir, tu vas être heureux. On ne parle pas de cela. On ne parle pas. Hey, est-ce que tu veux, avant de parler, est-ce que tu veux qu'il te pardonne tes péchés? Est-ce que tu veux qu'il te lave de tes péchés? Est-ce que tu veux servir Dieu? Moi, je vous encourage. Parlez de cela avant de parler comment faire pour avoir le pardon des péchés. Dieu existe. Et tu es rebelle envers ce Dieu-là. Veux-tu maintenant te tourner vers ce Dieu-là pour le servir maintenant et pour l'éternité? Pour être son esclave maintenant et pour l'éternité? Veux-tu faire cela? Si tu ne veux pas faire cela, tu ne t'es pas repenti. Une autre façon de voir si tu t'es repenti, c'est l'attitude que tu as envers le péché. Le péché, est-ce que tu... Je te demande pas si tu en commets encore. Oui, tu en commets encore, mais quelle attitude tu as envers le péché? Celui qui s'est repenti va faire encore des péchés. Mais son attitude envers le péché, c'est de le déclarer. Oui, ce que j'ai fait, c'est mal. Pourquoi c'est mal? Parce que Dieu a dit que c'était mal. Et je l'avoue que c'est mal et je le confesse que c'est mal. Je suis triste d'avoir péché, encore une fois. Ceux qui ne sont pas vraiment repentis, il dit qu'ils croient en Dieu, mais ils vont justifier le péché. Ils vont minimiser le péché. Ils vont justifier en disant, mais moi, c'est pas de ma faute, c'est ma mère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est ma soeur. Non, non, non. C'est le couvercle. Non, non, non. Si tu es un homme, une femme repentie, tu vas reconnaître ton péché et tu vas être triste du péché, tu vas le dénoncer, ce péché-là. Et non pas essayer de justifier. Et la dernière, et non pas la moindre, ce que tu penses de Jésus. Jésus est celui que Dieu a envoyé. Si tu ne crois pas ça, tu t'es jamais repenti. Si tu crois que Jésus est l'envoyé de Dieu, et si tu crois que Jésus est Dieu fait chair, on n'a pas le temps ici de voir tout cela, mais Jésus était Dieu fait chair, Dieu lui-même qui s'est incarné, et ce Dieu-là, est-ce que tu le reconnais? Avant de parler de ce qu'il a fait, parlons de ce qu'il est. Avant de dire qu'il est mort sur la croix pour nous sauver, nous devons vérifier, être certain que la personne comprend bien qui était Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire ce Jésus-là sur la terre. Il vient sur la terre pour laver, pour purifier, pour justifier, pour équiper ceux qui se sont repentis et qui veulent servir Dieu. Jésus-Christ vient pour laver, pour purifier, pour justifier ceux qui se sont repentis. Si tu t'es pas repenti, Jésus peut rien faire pour toi. Mais si tu t'es repenti, tu peux demander à Jésus, lave-moi, purifie-moi. Je crois que tu es mort sur la croix pour me pardonner cette rébellion que j'avais envers Dieu. Je crois que tu es Dieu. Je crois que tu m'accordes la vie maintenant pour pouvoir servir le Dieu vivant et vrai. Sans toi, je suis pas capable de servir. Mais toi, tu vas faire un miracle en moi et tu vas me rendre capable de servir le Dieu que je veux servir. Donc, je me suis repenti envers Dieu. Et je crois que Jésus est l'envoyé de Dieu et qu'il est Dieu fait chair et qu'il est, lui est mort sur la croix et ressuscité d'entre les morts pour pouvoir me pardonner, me rendre pur, pour pouvoir me donner la vie éternelle afin que je puisse servir le Dieu que je veux servir. J'espère que ça vous aide à bien comprendre. J'espère que ça vous aide à... Invitez pas les hommes et les femmes à croire en Jésus juste pour aller au ciel, mais qu'ils meurent. La vie éternelle, c'est maintenant. Ça commence maintenant. C'est la capacité de servir Dieu. La vie éternelle, c'est de recevoir la capacité, une nouvelle vie qui va durer éternellement, mais une nouvelle vie qui va me rendre capable de servir Dieu. J'espère que ça vous aide, frères et sœurs. Si vous avez des questions, allez sur le site et écrivez-moi, posez-moi vos questions. Je vais essayer de clarifier si c'est pas assez clair. Je vais essayer de vous aider par d'autres petites vidéos sur le sujet si c'est nécessaire. Notre Père du ciel, merci de nous avoir donné le moyen de retourner dans le paradis, si je peux dire ainsi. De retourner avant la chute. De réparer le mal que nous avons fait en Adam de vouloir obéir au diable. Merci que tu nous donnes la repentance, afin qu'on puisse se tourner vers toi pour te servir. Merci que tu as envoyé Jésus pour nous rendre capables de te servir, maintenant et pour l'éternité. Que la gloire te soit rendue, car la repentance et la foi nous viennent de toi. Que tout se fasse pour toi et pour ta gloire. Au nom de Jésus, amen.